très famille. Un coup de tétanus. Si à chaque enfant, il grossit encore un peu plus. Cassez pas les couilles à Tony, il pètera ta femme en coupant ta rondelle avec sa lame. Il n'y a que les putes qui échappent à ce traitement. On ne cache ni la bouffe, ni la drogue, ni l'argent. Il faut dire qu'une pute sans son cul, c'est comme une boule qui ne roule plus.